À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, l'humanité progressiste lui a rendu l'hommage sublime. Tout d'abord, les comités de souvenirs du président ont été constitués dans de nombreux pays et régions du monde. Surtout, la Fédération internationale des associations d'études des idées du Juche et de la politique de Sun-gun de l'Europe Est et de l'Asie centrale a constitué le comité international à la mémoire du président Kim Il-sung et le comité national a été respectivement constitué au Nigeria, au Pakistan et en Serbie. Ensuite, les médias de divers pays ont exalté le président Kim Il-sung comme pionnier de l'époque d'indépendance, commandant prestigieux invincible à la volonté d'acier, éminent stratège militaire, le plus grand dirigeant, vétéran politique mondial et incarnation de l'amour pour l'homme. D'autre part, le roi et la grande reine du royaume cambodgien ont fait parvenir les grandes corbeilles de fleurs à l'ambassade coréenne dans leur pays. Les délégations des partis politiques, des ministères gouvernementaux, des formations, établissements et organisations régionales et personnalités de différents milieux de divers pays ont rendu visite à l'ambassade coréenne dans leur pays. En outre, il y a eu la remise des corbeilles de fleurs devant le portrait en sourire du président à l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, ainsi que des centaines de cérémonies politico-culturelles partout dans le monde, comme la visite aux sœurs de Kim Il-sungien en Guinée et en Indonésie. Surtout, la vénération et le respect envers le soleil de la communauté internationale ont été accentués davantage par le symposium Internet africain Éternel Soleil, déroulé en présence du comité préparatoire international et les comités préparatoires régionaux et nationaux pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, des partis politiques, formations, ainsi que des personnalités et membres des organisations d'études des idées du Juche des pays africains.